Chapitre 21. C'était quelque chose pour Adolphe d'avoir mis Madame Nélis dans ses intérêts. Mais le succès avait été si facile, et il était d'ailleurs si bien assuré d'avance, qu'il n'y avait pas là de quoi chanter victoire. C'était un point obtenu, voilà tout. Il fallait passer au second, et celui-là était autrement sérieux, autrement inquiétant, puisqu'il s'agissait de Madame d'Alifard. Mais le propre de ces caractères est de ne pas s'arrêter dans leur marche. Pas plus après une défaite, pour se reposer, qu'après une victoire, pour se réjouir. Ils vont toujours leur chemin régulièrement, considérant que rien n'est fait tant qu'il leur reste quelque chose à faire. Ce qui leur coûte, ce n'est point l'effort de l'exécution, c'est celui de la résolution. Cette résolution prise, ils vont de l'avant, non par bon, mais à pas compter. Ce qu'il avait à faire maintenant avant de demander à sa mère d'accepter Juliette pour belle-fille, c'était d'introduire celle-ci dans leur vie, sur le pied où elle était autrefois, c'est-à-dire qu'il fallait trouver un moyen pour qu'elle vînt passer tous les dimanches à Nogent. Il n'était pas l'homme des sentiers détournés, et lorsqu'il désirait une chose, il avait pour habitude de la demander tout simplement. Le jeudi, il adressa donc sa demande à sa mère. « J'ai trouvé Juliette Nélis un peu fatiguée l'autre jour, » dit-il. « Elle travaille trop. »« À son âge, je ne connaissais pas la fatigue, et je t'assure que je travaille aussi et peut-être plus que Juliette. »« Sans doute. Seulement il y a travail et travail. » Ainsi, lorsqu'on est enfermé toute la semaine dans le salon carré du Louvre, on doit avoir besoin de respirer l'air le dimanche. Ce n'est pas ce que fait Juliette. Et le dimanche, elle s'enferme dans son atelier. C'est là tout le changement qu'elle se permet. Elle est très courageuse et travailleuse jusqu'à se rendre malade. On dit que les artistes sont tous paresseux. Je ne sais si cela est vrai, mais en tout cas, elle fait exception à la règle. Pour elle, il en est du travail comme de l'ordre. Elle a assurément beaucoup de qualités, et c'est heureux, car ce n'est pas sa pauvre mère qui, par son travail et son ordre, les aurait fait vivre. Toujours est-il que Juliette se fatigue trop. J'avais envie l'autre jour de l'inviter à venir dimanche à Nogent. Cela lui aurait fait du bien. L'as-tu invitée ? Non. Je n'ai pas voulu prendre cette liberté, avant de t'avoir demandé si cela ne te contrarierait pas. Cela ne me contrarie pas de rendre service aux gens qui ont besoin de moi. Et si tu veux inviter Madame Nélis et Juliette pour dimanche, tu le peux. Je vais aller les voir ce soir. Il suffit que tu leur écrives, et même cela vaut mieux. Laisse-moi te dire qu'il serait mauvais de reprendre avec les Nélis les habitudes que nous avions autrefois. Juliette n'est plus une petite fille, et toi tu n'es plus un enfant. Il ne faut pas donner prise aux propos du monde. Qu'importe le monde, il n'a pas à s'occuper de ce qui se passe chez nous. Ce qui n'empêche pas qu'il s'en occupe cependant. Il ne faut pas que tu compromettes la réputation de Juliette et que tu l'empêches de faire un bon mariage, s'il s'en présente un pour elle. Je n'ai jamais rien fait pour la compromettre. Il ne s'agit pas de ce que tu fais, il s'agit de ce qu'on dit. Crois-tu que j'aurais pensé à t'envoyer en Angleterre, si l'on ne m'avait pas parlé de toi et de Juliette? Il se trouve toujours des gens pour vous rendre ce genre de service. D'un autre côté, je ne veux pas qu'on dise que j'attire Juliette afin de te garder à la maison, et que je ferme les yeux sur ce qui se passe chez moi, afin de t'empêcher de faire des folies au dehors, comme tant d'autres jeunes gens. Mais, encore un coup, il ne se passe rien qui puisse donner naissance à ces bruits infâmes. Si l'on disait que je te vole, m'enverrais-tu en Amérique pour faire taire cette calomnie? Il n'y a pas de fumée sans feu. On ne dira jamais que tu me voles, parce que ce serait de la folie. Pourquoi me volerais-tu, puisque ce que j'ai est à toi? Tandis que ce n'est pas de la folie de prétendre que Juliette te plaît, cela saute aux yeux. Peux-tu contredire ceux qui soutiennent que tu as du goût pour Juliette? Ainsi posée, la question était assez embarrassante. S'il confessait franchement ses sentiments pour Juliette, cet aveu empêchait sa mère de recevoir les Nélis dans les conditions d'intimité étroite qu'il voulait. D'un autre côté, s'il ne les confessait point, cela reculait infiniment l'heure où il pourrait demander le consentement formel de sa mère. Pourquoi celle-ci eût-elle consenti à un mariage qui n'était point exigé par un amour sérieux? Il prit un moyen terme. « Il est certain, dit-il, que, suivant ton expression, j'ai du goût pour Juliette. Comment serait-il autrement? Juliette est charmante, jeune, jolie, pleine d'esprit, et moi je ne suis ni aveugle ni sourd. Mais de ce que je rends justice à sa beauté et à ses qualités morales, il ne s'ensuit pas nécessairement que je la compromets. Quand un jeune homme reconnaît à une jeune fille toutes les qualités que tu attribues à Juliette, il arrive nécessairement que tôt ou tard, il devient amoureux d'elle, et il ne faut pas que tu deviennes amoureux de Juliette. On ne devient pas amoureux par ordre, parce qu'il le faut ou parce qu'il ne faut pas. On devient amoureux bien souvent par hasard, par occasion, parce qu'on se rencontre facilement avec une femme. Voilà pourquoi je t'ai fait partir pour l'Angleterre il y a un an. Pourquoi je t'ai retenu en Hollande. Enfin, pourquoi je te dis qu'il est mauvais de reprendre avec les Nélis nos habitudes d'autrefois. Je désirais alors, comme je désire maintenant, t'éviter ces fréquentes rencontres avec Juliette. Et puisque nous avons abordé ce sujet, dont j'aurais voulu ne pas parler, il faut que je te dise tout ce que j'ai à te dire là-dessus. Si tu es amoureux de Juliette, il ne peut arriver que deux choses, ou elle cède à ton amour et devient ta maîtresse, ou elle te résiste et tu l'épouses. Mais Juliette n'est point de celle dont on fait une maîtresse. Précisément, j'ai trop de confiance en elle pour supposer qu'elle puisse ainsi succomber. Je la crois une honnête jeune fille, coquette peut-être, aimant à plaire, et heureuse d'avoir près d'elle des soupirants, mais enfin honnête et tout à fait incapable de tomber dans une faute. D'un autre côté, je t'estime trop pour admettre que tu puisses avoir un moment la pensée de séduire une honnête fille qui a été ton amie d'enfance. Je t'assure qu'il n'y a pas en moi l'étoffe nécessaire pour faire un séducteur. J'en suis certaine. Reste donc le mariage. Si tu aimais Juliette, tu voudrais l'épouser. Il le faudrait bien. Je ne me laisserai pas mourir d'amour. Tu ne le voudrais pas? Eh bien, certainement, tu serais la première à me donner ce conseil. Juliette ferait une charmante belle fille. Vois comme elle est bonne pour sa mère. Ne parlons pas de cela. Il ne faut pas que le goût que tu peux avoir pour Juliette devienne de l'amour. Un pareil mariage ferait le malheur de ma vie. Pourquoi? En quoi une femme qui a les qualités que tu reconnais à Juliette pourrait-elle te rendre malheureuse? Il me semble au contraire. C'était après le dîner et dans le salon de Madame d'Alifard que cet entretien avait lieu. La mère et le fils, assis en face l'un de l'autre, étaient séparés par une table. À ce mot, Madame d'Alifard se leva vivement et, s'approchant de son fils, « Tu l'aimes donc ? » s'écria-t-elle. « Tu veux donc l'épouser ?» Eh bien, avant de me répondre, sache que je ne consentirai pas à ce mariage. Si tu t'es flatté de l'idée que tu pourrais m'amener par d'habiles détours à accepter Juliette pour ta femme, tu t'es trompé. Il faut que cela soit bien entendu entre nous. Maintenant que tu es averti et que tu connais ma volonté, conduis-toi en conséquence. » Et s'éloignant brusquement, elle entra dans sa chambre. Cette explosion de colère et cette sortie avaient été si violentes qu'il n'avait pas pu placer un mot. Il resta un moment interdit après le départ de sa mère. Les choses avaient pris une autre tournure que celle qu'il avait voulu leur donner. Maintenant, quel parti prendre? Sans doute, il était à l'âge où il pouvait contraindre sa mère à donner son consentement au mariage qu'il lui plairait de faire. Et ce fut la première idée qui se présenta à son esprit sous l'impression de la révolte. « Je ne suis plus un enfant, » se dit-il. Et personne ne peut m'empêcher d'épouser la femme que je veux. » Mais la réflexion le ramena bien vite à d'autres sentiments. Quand même, il se déciderait à employer des moyens légaux pour obtenir le consentement de sa mère, et une pareille nécessité était de nature à l'effrayer, cela n'assurerait pas son mariage, car Juliette ne voudrait jamais devenir sa femme à ce prix. Elle aussi avait pris les devants et avait posé ses conditions. Était-il donc enfermé dans un cercle fatal dont il ne pourrait jamais sortir? D'un côté, Juliette lui signifiait qu'avant de répondre à sa demande, il fallait qu'il fût certain du consentement de sa mère. Et d'un autre, sa mère, avant qu'il lui demandât ce consentement, lui signifiait qu'elle ne le donnerait jamais. La situation était vraiment mauvaise, et au premier abord, elle paraissait sans issue. À ce moment, la porte de la chambre se rouvrit, et sa mère s'avança vers lui la main tendue. « Pardonne-moi un coup de vivacité, dit-elle. J'ai eu tort de me laisser emporter. Ce n'est pas ainsi qu'une mère doit parler à son fils, surtout à un fils tel que toi. Il respira, et une douce émotion détendit ses nerfs crispés, mais ce fut pour un court instant. « Je te dois les raisons de ma détermination, » continua Madame d'Alifard. « Ce qui me fait repousser Juliette, c'est qu'elle n'a pas de fortune. »« N'es-tu pas assez riche pour deux ?»« Précisément parce que j'ai acquis une certaine richesse, je suis tenu à des exigences que je n'aurais pas si j'étais pauvre. »« Fortune épouse fortune, pauvreté épouse pauvreté, c'est la loi du monde. » Comme jeunesse épouse jeunesse, et loi de nature. 5 millions sont pour moi une fortune considérable. Pour toi, il t'en faut 10. Ces 10 millions te donneront une importance et une position dans la société que je veux que tu obtiennes, et que tu obtiendras. Je ne renoncerai pas à ce rêve de toute ma vie pour une femme 1000 fois plus belle encore que n'est Juliette. Veux-tu m'enlever cette espérance qui m'a donné la force et l'intelligence pour travailler depuis 20 ans? Veux-tu que, prête à mettre la main sur le but que j'ai poursuivi, je le manque par ta faute? Veux-tu m'enlever la récompense de mes soins et de ma tendresse? Tu trouves peut-être qu'en m'opposant à un mariage avec Juliette, je suis cruel de contrarier ton désir, que je suis une mauvaise mère, une égoïste. Mais qu'est un désir de quelques mois à côté d'une ambition de 20 années? Ne serais-tu pas cruel, toi? Ne serais-tu pas égoïste? Si par ton mariage tu brisais les joies et les espérances de ma vieillesse, que me resterait-il sur cette terre? Je t'ai dit tout à l'heure que je ne consentirais pas à ton mariage avec Juliette. J'ai eu tort. Car si je te voyais décider malgré tout à ce mariage, je ne te laisserais pas recourir à la loi pour m'arracher mon consentement. D'avance, je te le donne. Seulement, d'avance aussi, je te dis ce que tu peux pour moi. Ma vie est dans tes mains. Elle sera ce que tu voudras, heureuse ou malheureuse, l'avenir en décidera. Maintenant, laisse agir ton cœur et va du côté où il te porte. Ton choix me dira qui tu préfères, la jeune fille que tu connais à peine ou ta mère.